arc-en-ciel, un amour de FM. Arc-en-ciel. tout, ça vaut tout, c'est les 13h, passé de 30 minutes, bienvenue. Si vous prenez l'écoute, voici donc, comme chaque vendredi, l'émission Souvenir entre 30 jusqu'à 16h. Voilà donc, on a débuté l'émission avec une des chansons de Céline Dion. Je vous laisse tout simplement eh bien, pour les amours. Voici donc le titre de la chanson s'appelle La balade des amours et c'est avec Alain Barrière. Dans la nuit, un amour est passé, un nuage est venu. Cacher une étoile dans la nuit, un amour est venu, un nuage est passé, laissant l'étoile nue. Dans mes nuits, mes amours sont venus et puis sont repartis, enfilant toute voile. Dans mes nuits, mes amours sont venus et puis se sont enfuis. Moi, je cherche l'étoile. Balade des amours, elle prend un jour et vous mène par le droit chemin. La balade se meurt dès le premier matin. Balade des amours, elle prend un jour et vous mène par tous les chemins. Les chemins de la joie, les chemins du chagrin, les chemins de toujours, les chemins de jamais, celui de vos espoirs, celui de vos secrets, vous entraîne un beau soir au pays des regrets. Dans la nuit, un amour est passé, un nuage. Est venu pour cacher l'étoile. Dans la nuit, un amour est venu, un nuage est passé, laissant l'étoile nue. La la Le titre s'appelle tout simplement eh bien, Aux oiseaux de Paris, Jean-Claude Pascal. J'ai laissé tout mon cœur dans un coin de Paris, un petit coin bien caché sous les arbres. J'ai laissé mon bonheur aux oiseaux de Paris, qui le chantent, qui le crient sur les toits. Un amour, c'est comme eux, tu le sais bien. Ils s'envolent, on attend qu'ils reviennent. Ça fait mal à penser qu'il va juste rester, ce petit air aux oiseaux dans le vent. Paris, chante-le souvent. Si le chant d'un oiseau fait battre ton cœur et te rappelle notre bonheur, va revoir les endroits où l'on s'est aimé, surtout celui-là, celui-là que tu sais. J'ai laissé tout mon cœur dans un coin de Paris, un petit coin bien caché sous les arbres. J'ai laissé mon bonheur aux oiseaux de Paris, qui le chantent, qui le crient sur les toits. Un amour, c'est comme eux, tu le sais bien. Ils s'envolent, on attend qu'ils reviennent. Ça fait mal à penser qu'il va juste rester, ce petit air aux oiseaux dans le vent. L'amour chante et je t'attends.

chance qui nous reste. C'est ils sont là quand même. Voici donc Africa, le titre, et c'est interprété par Roland Rolance. Yeah. vous laisse avec Tout va bien avec Daniel Balavoine. Et donc, juste après lui, on écoutera deux titres de country. C'est très bien, tout va bien, mon rêve et mon destin. Tu me diras chanter pour le rire, le monde a mal aux pieds. Tiens, j'y viens, il faut leur raconter. Je vais voir au prochain couplet. It's no kind of lesson if there's no wisdom found.

à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Keylog avec The Locomotion. I know you'll get to-

coucou à Véro. Voici donc Céline Dion, le titre s'appelle tout simplement Dans la main d'un magicien. Et juste après, Ringo. Ton corps qui lui, c'est si beau, ça me fait rêver. spécial, un amour de la femme. Voici donc tout simplement Mary Brandt, Félicita. Patrice Acas, c'est son titre, rien ne s'arrête. La vie nous éloigne, nous rend fous, elle met des montagnes entre nous. On suit notre chemin, et d'un coup, on est si loin de chez nous. Rien ne s'arrête. Et sur nos yeux ne s'aiment que des regrets. Où sont passés les rêves de notre enfance, les paysages dessinés par les anges en silence. Rien ne s'arrête, d'autres vies continuent, d'autres parlent sans tête pour ceux qui se sont tués. Rien ne s'arrête, les âmes se décolle, et même si l'on regrette, le temps lui continue son vol. Rien ne s'arrête. La vie s'avance, on fait des erreurs, mais pas dans le sens qu'indiquait notre cœur. On se dit, cette fois j'ai compris. Et l'on s'entête à l'infini. Rien ne s'arrête. D'autres vies continuent. D'autres parlent sans tête pour ceux qui se sont tués. Rien ne s'arrête. Les amours se décollent. Même si l'on regrette, le temps lui continue son vol. Rien ne s'arrête. S'achète en silence, je crois qu'il continue à

retrouver la chanson tout simplement de Lara Fabian avec Aimé déjà. Voici donc quelques émissions pour ce vendredi et ce week-end. Voilà donc, à partir tout simplement de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission de Manel pour l'émission Découverte. Demain, samedi, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Christine, l'émission Portugal, nous, Corésiens. Ainsi pour le dimanche matin, à partir de 8h jusqu'à 10h, Cantal Dugallo avec Antonio et Mathieu. Et puis entre 10h jusqu'à 12h30, et bien donc c'est à vous de faire l'émission, tout simplement d'écouter les chansons que vous voulez écouter. Le téléphone sonne avec Lionel, Katia et Jérôme. Et puis ainsi on se retrouve nous-mêmes avec l'émission de l'accordéon musette entre 13h30 jusqu'à 16h. C'est du soleil toute la journée. 1, 2, 3, 4. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Voici donc Zazie Rodeo. Petite fille du soleil,

plus belle, et pour qu'éternellement tu sois la plus belle. Voici donc qu'elle s'appelle Romance Sardin et son titre Tu me connais pas. Liras-tu cette lettre que je t'écris ce soir? Et voudras-tu connaître un jour notre histoire? C'est ton papa peut-être qui te la traduira. À 12 ans, à 17, enfin quand tu voudras. J'y parle de ma vie et bien sûr de la tienne. Dans cette belle Asie aux frontières lointaines. Tu ne me connais pas, je te connais à peine. Mais l'amour est parfois une invisible chaîne. J'ai reçu ta photo et j'aime ton prénom. Mon Dieu que tu es beau, tu as les cheveux bien longs. Apprends-tu à écrire, comment est ton village? Sais-tu que ton sourire me donne le courage d'affronter les tourments de ce monde dans des routes qui laissent des enfants sur le bord. Son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés. Et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper le canton d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial.

Voici donc, tout simplement, elle s'appelle Lina Simone avec My Baby Just Care For Me. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for and races. My baby don't care for hot dog places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care. For me, souvenir 80. Rika Zaraï, puis son titre s'appelle tout simplement Un jour, ton rêve. Je vais retrouver mon rêve où je suis allée. avec une des chansons de Céline Dion et voici le titre « Tout hors des hommes ». J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat et j'ai suivi les chars lentement. Michel Sardou, Corsica. L'éternité, c'est Zonza. De la pyrème au plaisancier, beaucoup d'hommes qui ne savaient pas que si tu t'offres, on ne prend pas ma liberté, c'est Zanza. Un bout de terre au fond du sud où s'évanouit ma lassitude comme un rêve qui ne revient pas. L'éternité, c'est Zonza. Elle a protégé les brigands quand ils étaient bandits d'honneur, comme on l'est tous au fond du cœur. Lorsque le joug est trop pesant, ma liberté, c'est Zonza. Les tours d'en bas m'avertiront quand tout au fond de l'horizon, mon dernier matin paraîtra.

sur mon épaule. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc bien l'amour s'en va, l'amour revient, et c'est Frédéric François. La vie tourne à l'envers, à l'endroit elle nous mène un train d'enfer. Quelquefois, qu'est-ce que ça peut nous faire? Tranquille, je prends mon temps. Dame, dame, des hauts. temps de liberté. Et soudain le bilan, l'horloge tourne, les minutes sont des rides. Et moi je rêve d'arrêter le temps. Arc-en-ciel, un amour de FM. Juste un instant, vous avez pu entendre Marianne Curio avec Une fille dans son temps. Et voici donc un méga mix. Thank you.

Radio. Radio Arc-en-Ciel. C'est sur ce remix qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement. Voilà donc, il est bientôt 16h et l'émission touche à sa fin. Voilà donc, eh ben, je vous laisse, puis on se retrouve prochainement. Ainsi, ben, bonne fin d'après-midi. À vous tous et à vous toutes. backward, moving the direction and just to input, tighten up in a smooth seduction. What of the girls, you were moving. Ooh, she had to get on top, finding out a definition of a sex offer. Ooh, la la la, the way she walks around, two down and the shit hit off the ground. You take my self, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take my self, you take my self-control. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. You help me to forget to play my role. You take my self-control. Moonlight darkness, just a GM selected paper. Online, the lot of things to get you. Trust to walk in the mobile with you too. Love is a thing that we got to deny. Took her things and then she said goodbye. Something wrong with the things I said. I went downstairs, I heard a voice that said, you take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. You help me to forget to play my role. You take myself, you take my self-control. You take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. Another day goes by. I never stop myself to wonder why. You help me to forget to play my role.